Charles Dickens, David Copperfield, Livre 2, Chapitre 1, Une perte plus grave. Je n'eus pas de peine à céder aux prières de Peggotty, qui me demanda de rester à Yarmouth jusqu'à ce que les restes du pauvre voiturier eussent fait pour la dernière fois le voyage de Blunderstone. Elle avait acheté depuis longtemps, sur ses économies, un petit coin de terre dans notre vieux cimetière, près du tombeau de sa chérie, comme elle appelait toujours ma mère. Et c'était là que devait reposer le corps de son mari. Quand j'y pense à présent, je sens que je ne pouvais pas être plus heureux que je l'étais véritablement alors de tenir compagnie à Peggotty et de faire pour elle le peu que je pouvais faire. Mais je crains bien d'avoir éprouvé une satisfaction plus grande encore, satisfaction personnelle et professionnelle, à examiner le testament de M. Barkis et à en apprécier le contenu. Je revendique l'honneur d'avoir suggéré l'idée que le testament devait se trouver dans le coffre. Après quelques recherches, on l'y découvrit, en effet, au fond d'un sac à picotin, en compagnie d'un peu de foin, d'une vieille montre d'or, avec une chaîne, et des breloques que M. Barkis avait portées le jour de son mariage et qu'on n'avait jamais vues ni avant ni après. Puis d'un bourre-pipe en argent figurant une jambe, plus d'un citron en carton rempli de petites tasses et de petites soucoupes que M. Barkis avait, je suppose, acheté quand j'étais enfant pour m'en faire présent, sans avoir le courage de s'en défaire ensuite. Enfin, nous trouvâmes 87 pièces d'or en guinée et en demi-guinée, 110 livres sterling en billets de banque tout neufs, des actions sur la Banque d'Angleterre, un vieux fer à cheval, un mauvais shilling, un morceau de camphre et une coquille d'huître. Comme ce dernier objet avait été évidemment frotté, et que la nacre de l'intérieur déployait les couleurs du prisme, je serais assez portée à croire que M. Barkis s'était fait une idée confuse, qu'on pouvait y trouver des perles, mais sans avoir pu jamais en venir à ses fins. Depuis bien des années, M. Barkis avait toujours porté ce coffre avec lui dans tous ses voyages, et pour mieux tromper l'espion, s'était imaginé d'écrire avec le plus grand soin sur le couvercle, en caractère devenu presque illisible à la longue, l'adresse de Monsieur Black Boy, bureau restant, jusqu'à ce qu'il soit réclamé. Je reconnus bientôt qu'il n'avait pas perdu ses peines en économisant depuis tant d'années. Sa fortune en argent n'allait pas loin de 3000 livres sterling. Il léguait là-dessus l'usufruit du tiers à Monsieur Peggotty, sa vie durant. À sa mort, le capital devait être distribué par portions égales entre Peggotty, la petite Emily et moi, à « i celui, i celle ou i ceux d'entre nous qui seraient survivants ». Il laissait à Peggotty tout ce qu'il possédait du reste, la nommance à légataire universelle, seule et unique exécutrice de ses dernières volontés exprimées par testament. Je vous assure que j'étais déjà fière comme un procureur quand je lis tout ce testament avec la plus grande cérémonie, expliquant son contenu à toutes les parties intéressées. Je commençais à croire que la cour avait plus d'importance que je ne l'avais supposé. J'examinais le testament avec la plus profonde attention, je déclarais qu'il était parfaitement en règle, sur tous les points, je fis une ou deux marques au crayon à la marge, tout étonné d'en savoir si long. Je passais la semaine qui précéda l'enterrement à faire cet examen un peu abstrait, à dresser le compte de toute la fortune qui venait d'échoir à Peggotty, à mettre en ordre toutes ses affaires, en un mot, à devenir son conseil et son oracle en toutes choses, à notre commune satisfaction. Je ne revis pas Emily dans l'intervalle, mais on me dit qu'elle devait se marier sans bruit 15 jours après. Je ne suivis pas le convoi en costume, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi. Je veux dire que je n'avais pas revêtu un manteau noir et un long crêpe, fait pour servir d'épouvantail aux oiseaux, mais je me rendis à pied de bonne heure à Blunderstone, et je me trouvais dans le cimetière quand le cercueil arriva, suivi seulement de Peggotty et de son frère. Le monsieur fou regardait de ma petite fenêtre. L'enfant de monsieur Chilip remuait sa grosse tête et tournait ses yeux ronds pour contempler le pasteur par-dessus l'épaule de sa bonne. Monsieur Homer soufflait sur le second plan. Il n'y avait point d'autres assistants et tout se passa tranquillement. Nous nous promenâmes dans le cimetière pendant une heure environ quand tout fut fini et nous cueillîmes quelques bourgeons à peine épanouis sur l'arbre qui ombrageait le tombeau de ma mère. Ici, la crainte me gagne. Un nuage sombre plane au-dessus de la ville que j'aperçois dans le lointain en dirigeant de ce côté ma course solitaire. J'ai peur d'en approcher. Comment pourrais-je supporter le souvenir de ce qui nous arriva pendant cette nuit mémorable, de ce que je vais essayer de rappeler si je puis surmonter mon trouble? Mais ce n'est pas de le raconter qui empirera le mal. Que gagnerais-je à arrêter ici ma plume qui tremble dans ma main? Ce qui est fait, rien ne peut le défaire, rien ne peut y changer la moindre chose. Ma vieille bonne devait venir à Londres avec moi, le lendemain, pour les affaires du testament. La petite Émilie avait passé la journée chez Monsieur Homer. Nous devions nous retrouver tous le soir dans le vieux bateau. Ham devait ramener Émilie à l'heure ordinaire. Je devais revenir à pied en me promenant. Le frère et la sœur devaient faire leur voyage de retour comme ils étaient venus et nous attendre le soir au coin du feu. Je les quittais à la barrière où un straps imaginaire s'était reposé avec le havresac de Roderick Randorm autant jadis. Et au lieu de revenir tout droit, je fis quelques pas sur la route de Lowestoft, puis je revins en arrière et je pris le chemin de Yarmouth. Je m'arrêtai pour dîner à un petit café d'essence situé à une demi-heure à peu près du gué dont j'ai déjà parlé. Le jour s'écoula et j'atteignis le gué à la brune. Il pleuvait beaucoup, le vent était fort, mais la lune apparaissait de temps en temps à travers les nuages et il ne faisait pas tout à fait noir. Je fus bientôt en vue de la maison de Monsieur Peggotty et je distinguai la lumière qui brillait à la fenêtre. Me voilà donc piétinant dans le sable humide avant d'arriver à la porte. Enfin, j'y suis et j'entre. Tout présentait l'aspect le plus confortable. Monsieur Peggotty fumait sa pipe du soir et les préparatifs du souper allaient leur train. Le feu brûlait gaiement, les cendres étaient relevées. La caisse sur laquelle s'asseyait la petite Émilie l'attendait dans le coin accoutumé. Peggotty était assise à la place qu'elle occupait jadis, et sans son costume de veuve, on aurait pu croire qu'elle ne l'avait jamais quitté. Elle avait déjà repris l'usage de la boîte à ouvrage, sur le couvercle de laquelle on voyait représenter la cathédrale de Saint-Paul. Le maître roulait dans une chaumière, et le morceau de cire était là, à leur poste, comme au premier jour. Mistress Gummidge grognait un peu dans son coin comme à l'ordinaire, ce qui ajoutait à l'illusion. « Vous êtes le premier, monsieur David, » dit monsieur Peggotty d'un air radieux. « Ne gardez pas cet habit s'il est mouillé, monsieur. »« Merci, monsieur Peggotty, » lui dis-je, en lui donnant mon paletot pour le suspendre. « L'habit est parfaitement sec. »« C'est vrai, » dit monsieur Peggotty en tâtant mes épaules. « Sec comme un copeau. »« Asseyez-vous, monsieur. » « Je n'ai pas besoin de vous dire que vous êtes le bienvenu, mais c'est égal, vous êtes le bienvenu tout de même, je le dis de tout mon cœur. »« Merci, monsieur Peggotty, je le sais bien. Et vous, Peggotty, comment allez-vous, ma vieille ?» lui dis-je en l'embrassant. « Ah !» dit monsieur Peggotty en riant et en s'asseyant près de nous, pendant qu'il se frottait les mains, comme un homme qui n'est pas fâché de trouver une distraction honnête à ses chagrins récents, et avec toute la franche cordialité qui lui était habituelle. « C'est ce que je lui dis toujours. Il n'y a pas une femme au monde, monsieur, qui doive avoir l'esprit plus en repos qu'elle. Elle a accompli son devoir envers le défunt, et il le savait bien, le défunt, car il a fait aussi son devoir envers elle, comme elle a fait son devoir envers lui. Et tout ça s'est bien passé. » Mistress Gummidge poussa un gémissement. « Allons, mère Gummidge, du courage !» dit monsieur Peggotty. Mais il secoua la tête en nous regardant de côté pour nous faire entendre que les derniers événements étaient bien de nature à lui rappeler le vieux. « Ne vous laissez pas abattre, du courage, un petit effort, et vous verrez que ça ira tout naturellement beaucoup mieux après. »« Jamais pour moi, Daniel !» repartit mistress Gummidge. « La seule chose qui puisse me venir tout naturellement, c'est de rester isolée et désolée. » « Non, non, » dit Monsieur Peggotty d'un ton consolant. « Si, si, Daniel, » dit Mistress Gummidge. « Je ne suis pas faite pour vivre avec des gens qui font des héritages. J'ai eu trop de malheur. Je ferais bien de vous débarrasser de moi. »« Et comment pourrais-je dépenser mon argent sans vous ?» dit Monsieur Peggotty d'un ton de sérieuse remontrance. « Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que je n'ai pas besoin de vous maintenant plus que jamais ?»« C'est cela. Je le savais bien qu'on n'avait pas besoin de moi auparavant, » s'écria Mistress Gummidge avec l'accent le plus lamentable. Et maintenant, on ne se gêne pas pour me le dire. Comment pouvais-je me flatter qu'on eût besoin de moi, une pauvre femme isolée et désolée, et qui ne fait que vous porter malheur ? Monsieur Peggotty avait l'air de s'en vouloir beaucoup à lui-même, d'avoir dit quelque chose qui pût prendre un sens si cruel. Mais Peggotty l'empêcha de répondre, en le tirant par la manche et en hochant la tête. Après avoir regardé un moment Mistress Gummidge, avec une profonde anxiété, il reporta ses yeux sur la vieille horloge, se leva, moucha la chandelle et la plaça sur la fenêtre. « Mais là, » dit Monsieur Peggotty d'un ton satisfait, « voilà ce que c'est, Mistress Gummidge. » Mistress Gummidge poussa un petit gémissement. « Nous voilà éclairés comme à l'ordinaire. Vous vous demandez ce que je fais là, monsieur ? Eh bien, c'est pour notre petite Émilie, voyez-vous. Il ne fait pas clair sur le chemin. » Et ce n'est pas gai quand il fait noir. Aussi, quand je suis à la maison vers l'heure de son retour, je mets la lumière à la fenêtre et cela sert à deux choses. D'abord, dit Monsieur Peggotty en se penchant vers moi tout joyeux, elle se dit « voilà la maison ». Et qu'elle se dit « et aussi, mon oncle est là ». Qu'elle se dit « car si je n'y suis pas, il n'y a pas de lumière non plus ». « Que vous êtes enfant ?» dit Peggotty, qui lui en savait bien bon gré tout de même. « Eh bien, » dit Monsieur Peggotty en se tenant les jambes un peu écartées et en promenant dessus ses mains, de l'air de la plus profonde satisfaction, tout en regardant alternativement le feu et nous. « Je n'en sais trop rien, pas au physique, vous voyez bien. »« Pas exactement, » dit Peggy. « Non, » dit Monsieur Peggotty en riant, « pas au physique. » « Mais en y réfléchissant bien, voyez-vous, je m'en moque pas mal. Je vais vous dire, quand je regarde autour de moi dans cette jolie petite maison de notre Émilie, je veux bien que la crique me croque, » dit Monsieur Peggotty avec un élan d'enthousiasme. « Voilà, je ne peux pas en dire davantage. S'il ne me semble pas que les plus petits objets soient, pour ainsi dire, une partie d'elle-même, je les prends, puis je les pose, et je les touche aussi délicatement que si je touchais notre Émilie. C'est la même chose pour ses petits chapeaux et ses petites affaires. Je ne pourrais pas avoir brusqué quelque chose qui lui appartiendrait pour tout au monde. Voilà comme je suis enfant, si vous voulez, sous la forme d'un gros hérisson de mer, » dit Monsieur Peggotty en quittant son air sérieux pour partir d'un éclat de rire retentissant. Peggotty rit avec moi, seulement un peu moins haut. « Je suppose que cela vient, voyez-vous, » dit Monsieur Peggotty d'un air radieux en se frottant toujours les jambes, « de ce que j'ai tant joué avec elle, en faisant semblant d'être des Turcs et des Français, et des requins et toutes sortes d'étrangers, oui, da, et même des lions et des baleines, et je ne sais quoi, quand elle n'était pas plus haute que mon genou. C'est comme ça que c'est venu, vous savez. Vous voyez bien cette chandelle, n'est-ce pas ?» dit Monsieur Peggotty qui riait en la montrant. « Eh bien, je suis bien sûre que quand elle sera mariée et partie, je mettrai cette chandelle-là tout comme à présent. Je suis sûre que quand je serai ici le soir, et où irai-je vivre, je vous le demande, quelque fortune qui m'arrive. Quand elle ne sera pas ici, ou que je ne serai pas là-bas, je mettrai la chandelle à la fenêtre, et que je resterai près du feu, à faire semblant de l'attendre, comme je l'attends maintenant. » « Voilà comment je suis un enfant, » dit Monsieur Peggotty, avec un nouvel éclat de rire, sous la forme d'un hérisson de mer. « Voyez-vous, dans ce moment-ci, quand je vois briller la chandelle, je me dis, « elle la voit, voilà Émilie qui vient. » « Voilà comme je suis un enfant, sous la forme d'un hérisson de mer. » « Je ne me trompe pas, après tout, » dit Monsieur Peggotty, en s'arrêtant au milieu de son éclat de rire et en frappant des mains. « Car là, voilà !» Mais non, c'était âme tout seul. Il fallait que la pluie eût bien augmenté depuis que j'étais rentrée, car il portait un grand chapeau de toile cirée abaissé sur ses yeux. « Où est Emily ?» dit Monsieur Peggotty. Ham fit un signe de tête comme pour indiquer qu'elle était à la porte. Monsieur Peggotty ôta la chandelle de la fenêtre, la moucha, la remit sur la table et se mit à arranger le feu, pendant que Ham, qui n'avait pas bougé, me dit « Monsieur David, voulez-vous venir dehors une minute pour voir ce qu'Émilie et moi nous avons à vous montrer ?» Nous sortîmes. Quand je passais près de lui, auprès de la porte, je vis avec autant d'étonnement que d'effroi qu'il était d'une pâleur mortelle. Il me poussa précipitamment dehors et referma la porte sur nous deux seulement. « Ham, qu'y a-t-il donc ?»« Monsieur David. » Oh, pauvre cœur brisé, comme il pleurait amèrement. J'étais paralysée à la vue d'une telle douleur. Je ne savais plus que penser ou craindre. Je ne savais que le regarder. « Ham, mon pauvre garçon, mon ami, au nom du ciel, dites-moi ce qui est arrivé !»« Ma bien-aimée, monsieur David, mon orgueil et mon espérance, elle pour qui j'aurais voulu donner ma vie, pour qui je la donnerais encore, elle est partie. »« Partie ?» Émilie s'est enfuie. « Et comment ? Vous pouvez en juger, monsieur David, en me voyant demander à Dieu, Dieu de bonté et de miséricorde, de la faire mourir, elle que j'aime par-dessus tout, plutôt que de la laisser se déshonorer et se perdre. » Le souvenir du regard qu'il jeta vers le ciel chargé de nuages, du tremblement de ses mains jointes, de l'angoisse qu'exprimait toute sa personne, reste encore, à l'heure qu'il est, uni dans mon esprit avec celui de la plage déserte, théâtre de ce drame cruel dont il est le seul personnage et qui n'a d'autre témoin que la nuit. « Vous êtes un savant, » dit-il précipitamment. « Vous savez ce qu'il y a de mieux à faire. Comment m'y prendre pour annoncer cela à son oncle, Monsieur David ?» Je vis la porte s'ébranler et je fis instinctivement un mouvement pour tenir le loquet à l'extérieur afin de gagner un moment de répit. Il était trop tard. Monsieur Peggotty sortit la tête et je n'oublierai jamais le changement qui se fit dans ses traits en nous voyant quand je vivrai 500 ans. Je me rappelle un gémissement et un grand cri. Les femmes l'entourent. Nous sommes tous debout dans la chambre, moi tenant à la main un papier que Ham venait de me donner. Monsieur Peggotty avec son gilet entrouvert, les cheveux en désordre, le visage et les lèvres très pâles. Le sang ruisselle sur sa poitrine. Sans doute il avait jailli de sa bouche. Lui, il me regarde fixement. « Lisez, monsieur, » dit-il d'une voix basse et tremblante. « Lentement, s'il vous plaît, que je tâche de comprendre. » Au milieu d'un silence de mort, je lus une lettre effacée par les larmes. Elle disait « Quand vous recevrez ceci, vous qui m'aimez infiniment plus que je ne l'ai jamais mérité, même quand mon cœur était innocent, je serai bien loin. Je serai bien loin, » répéta-t-il lentement. « Arrêtez, Émilie sera bien loin. Après, quand je quitterai ma chère demeure, oh oui, ma chère demeure, demain matin. » La lettre était datée de la veille au soir. « Ce sera pour ne plus jamais revenir, à moins qu'il ne me ramène après avoir fait de moi une dame. Vous trouverez cette lettre le soir de mon départ, bien des heures après, au moment où vous deviez me revoir. Oh, si vous saviez combien mon cœur est déchiré, si vous-même, vous surtout avec qui j'ai tant de tort et qui ne pourrez jamais me pardonner, si vous saviez seulement ce que je souffre. Mais je suis trop coupable pour vous parler de moi. Oh oui, consolez-vous par la pensée que je suis bien coupable. Oh, par pitié, dites à mon oncle que je ne l'ai jamais aimé la moitié autant qu'à présent. Oh, ne vous souvenez pas de toutes les bontés et de l'affection que vous avez tous eues pour moi. Ne vous rappelez pas que nous devions nous marier. Tâchez plutôt de vous persuader que je suis morte quand j'étais toute petite et qu'on m'a enterrée quelque part. Que le ciel dont je ne suis plus digne d'invoquer la pitié pour moi-même ait pitié de mon oncle. Dites-lui que je ne l'ai jamais aimé la moitié autant qu'à ce moment. Consolez-le. Aimez quelque honnête fille qui soit pour mon oncle ce que j'étais autrefois, qui soit digne de vous, qui vous soit fidèle. C'est bien assez de ma honte pour vous désespérer. Que Dieu vous bénisse tous. Je le prierai souvent pour vous tous, à genoux. Si l'on ne me ramène pas d'âme et que je ne puisse plus prier pour moi-même, je prierai pour vous tous. Mes dernières tendresses pour mon oncle, mes dernières larmes et mes derniers remerciements pour mon oncle. C'était tout. Il resta longtemps à me regarder encore quand j'eus fini. Enfin, je m'aventurai à lui prendre la main et à le conjurer, de mon mieux, d'essayer de recouvrer quelque empire sur lui-même. « Merci, monsieur, merci, » répondait-il, mais sans bouger. Âme lui parla, et monsieur Peggotty n'était pas insensible à sa douleur, car il lui serra la main de toutes ses forces, mais c'était tout. Il restait dans la même attitude, et personne n'osait le déranger. Enfin, lentement, il détourna les yeux de dessus mon visage, comme s'il sortait d'une vision, et il les promena autour de la chambre, puis il dit à voix basse, « Qui est-ce ? Je veux savoir son nom. » Âme me regarda. Je me sentis aussitôt frappé d'un coup qui me fit reculer. « Vous soupçonnez quelqu'un ? » dit monsieur Peggotty. « Qui est-ce ? » « Monsieur David, » dit Âme d'un ton suppliant. « Sortez un moment et laissez-moi lui dire ce que j'ai à lui dire. Vous, il ne faut pas que vous l'entendiez, monsieur. » Je sentis de nouveau le même coup. Je me laissais tomber sur une chaise. J'essayais d'articuler une réponse, mais ma langue était glacée et mes yeux troubles. « Je veux savoir son nom, » répétait-il. « Depuis quelque temps, » balbutia Âme, « il y a un domestique qui est venu quelquefois rôder par ici. Il y a aussi un monsieur. Ils s'entendaient ensemble. » Monsieur Peggotty restait toujours immobile, mais il regardait Âme. « Le domestique, » continua Âme, « a été vu hier soir avec notre pauvre fille. Il était caché dans le voisinage depuis 8 jours au moins. On croyait qu'il était parti, mais il était caché seulement. Ne restez pas ici, monsieur David, ne restez pas. » Je sentis Peggotty passer son bras autour de mon cou pour m'entraîner, mais je n'aurais pu bouger quand la maison aurait dû me tomber sur les épaules. On a vu une voiture inconnue avec des chevaux de poste ce matin, presque avant le jour, sur la route de Norwich, reprit Âme. Le domestique y alla, il revint, il retourna. Quand il y retourna, Emily était avec lui. L'autre était dans la voiture. C'est lui. Au nom de Dieu, dit monsieur Peggotty en reculant et en étendant la main pour repousser une pensée qu'il craignait de s'avouer à lui-même. « Ne me dites pas que son nom est Steerforth. »« Monsieur David, » s'écria Âme d'une voix brisée, « ce n'est pas votre faute, et je suis bien loin de vous en accuser. Mais son nom est Steerforth, et c'est un grand misérable. » Monsieur Peggotty ne poussa pas un cri, ne versa pas une larme, ne fit pas un mouvement, mais bientôt il eut l'air de se réveiller tout d'un coup et se mit à décrocher son gros manteau qui était suspendu dans un coin. « Aidez-moi un peu. Je suis tout brisé et je ne puis en venir à bout, » dit-il avec impatience. « Aidez-moi donc !»« Bien, » ajouta-t-il, quand on lui eut donné un coup de main. « Maintenant, passez-moi mon chapeau. » Âme lui demanda où il allait. « Je vais chercher ma nièce. Je vais chercher mon Émilie. Je vais d'abord couler à fond ce bateau-là où je l'aurai noyé. Oui, vrai !» Comme je suis en vie, si j'avais pu me douter de ce qu'il méditait, quand il était assis en face de moi, dit-il d'un air égaré, en étendant le poing fermé. Quand il était assis en face de moi, que la foudre m'écrase, si je ne l'aurais pas noyé, et si je n'aurais pas cru bien faire. Je vais chercher ma nièce. Où ? S'écria Âme en se plaçant devant la porte. N'importe où. Je vais chercher ma nièce à travers le monde. Je vais trouver ma pauvre nièce dans sa honte et la ramener avec moi. Qu'on ne m'arrête pas. Je vous dis que je vais chercher ma nièce. Non, non, cria Mistress Gummidge, qui vint se placer entre eux dans un accès de douleur. Non, non, Daniel, pas dans l'état où vous êtes. Vous irez la chercher bientôt, mon pauvre Daniel, et ce sera trop juste, mais pas maintenant. Asseyez-vous et pardonnez-moi de vous avoir si souvent tourmenté, Daniel. Qu'est-ce que mes chagrins auprès de celui-ci? Et parlons du temps où elle est devenue orpheline et âme orphelin, quand j'étais une pauvre veuve et que vous m'aviez recueillie. Cela calmera votre pauvre cœur, Daniel, dit-elle en appuyant sa tête sur l'épaule de Monsieur Peggotty. Et vous supporterez mieux votre douleur, car vous connaissez la promesse, Daniel. Ce que vous aurez fait à l'un des plus petits de mes frères, vous me l'aurez fait à moi-même. Et cela ne peut manquer d'être accompli sous ce toit qui nous a servi d'abri depuis tant, tant d'années. Il était devenu maintenant presque insensible en apparence, et quand je l'entendis pleurer, au lieu de me mettre à genoux comme j'en avais envie, pour lui demander pardon de la douleur que je leur avais causée, et pour maudire Steerforth, je fis mieux. Je donnais à mon cœur oppressé le même soulagement, et je pleurais avec eux.